l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour du philosophe Émile Cioran, initialement diffusée en mars 2021. Aujourd'hui, premier épisode de l'inconvénient d'être né. N'être pas né, rien que d'y songer, quel bonheur, quelle liberté, quel espace. Ces mots sont du philosophe roumain Émile Cioran, né en Roumanie avant la Première Guerre mondiale, mort en France en 1995, avant les grandes grèves contre le plan Juppé, ce qui donne un aperçu du presque siècle qu'il a parcouru. Ne pas être né, voilà donc son souhait le plus cher? Et s'il n'est pas le premier à faire l'éloge du non-être, le Bouddha et Schopenhauer l'ont fait avant lui, Cioran creuse la question si loin qu'il en fait, c'est un comble, un moteur très fécond pour la réflexion. Être ou ne pas être, telle est sans doute la question, mais encore faut-il en dire plus sur le non-être. Et c'est le programme du jour. Plutôt qu'un type passionné, je suis un type obsédé. C'est parce que si quelqu'un monte dans, il faut que je puisse ça. C'est pas par des arguments qu'on peut me faire changer d'avis, c'est uniquement par la fatigue, par l'épuisement d'une obsession. Ça a du rapport avec la foi. La vision négative de la vie sur le plan de la connaissance n'est pas nécessairement une fausse connaissance. Je suis arrivé à la conclusion que, au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître. Bonjour Aurélien de Mars. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur les chemins de la philosophie. Vous enseignez d'ailleurs la philosophie à l'université Savoie-Mont-Blanc. Vous avez collaboré à l'audition de Cioran en bibliothèque de la Pléiade, hein, dirigée par Nicolas Cavaillès, qui sera mon invité demain. Vous co-dirigez aussi avec Viraela Gentiana Stanisor une série d'ouvrages collectifs consacrés à Cioran, dont le tome 5 vient de paraître, c'était le mois dernier. On peut dire que vous passez votre vie avec Cioran ? Avec lui, ouais. Beaucoup, et c'est une méditation sans fin, et pour un penseur de la fin et de l'infini, de la fin qui ne cesse de finir, eh bien, effectivement, je pense que c'est tout l'intérêt d'une pensée de fragments, une pensée d'aphorisme, une pensée de l'essai, une pensée de la recherche continuelle, de la pensée discontinue, de la pensée privée. Et donc, effectivement, c'est aussi sans fin pour ces lecteurs dont je fais partie. Et le paradoxe, sans doute, et ça on le verra toute cette semaine, parce qu'on a la chance de passer la semaine avec lui, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque les titres et les annonces sont très pessimistes, on parle de l'inconvénient d'être né aujourd'hui, c'est qu'il est de très bonne compagnie. Comment vous expliquez ça ? Parfois, il faut être... le prix d'une joie a encore plus d'intensité, quand vous savez à l'aune de quoi vous l'obtenez. Toute joie, si rare soit-elle, devient presque miraculeuse. Et c'est un dialogue, en réalité, une dialectique, un dialogisme entre la vision la plus noire possible et l'idée de recommencer un hédonisme peut-être à rebours. C'est Suran qui le dit, en tout cas. Alors, la question de l'être et du non-être est aussi vieille que l'humanité. On peut remonter jusqu'à Parménide, hein, qui affirme l'existence du non-être. Suran s'en empare en précisant les choses. Hein, je le disais, et d'ailleurs, vous l'avez entendu dans une des archives qui a ouvert cette émission. Le drame, dit-il, c'est pas de mourir, le drame, c'est de naître. Au fond, si notre problème dans l'existence n'était pas le fait que notre vie allait se terminer, qu'elle était finie, mais le fait même que nous soyons nés. C'est l'exercice auquel nous invite Suran dans un livre qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né », qui est un ouvrage tardif, c'est pas un de ses premiers ouvrages, mais qui va nous permettre aujourd'hui de présenter le personnage tellement se trouve ici ce qui caractérise le geste philosophique même de Suran, Aurélien de Mars. En fait, ce livre est vraiment majeur, il correspond à un moment fort dans son œuvre. Lui qui est passé par à peu près toutes les notions, tous les sentiments les plus noirs et les plus négatifs, lui qui a été obsédé par la question de la mort, lui qui a été obsédé par la question de la douleur, de la souffrance, des drames historiques ou que sais-je, à un moment donné comprend que si le drame ultime, c'est pas la peur de la mort, c'est ce qui nous y pousse dans cette direction. Et en fait, il en vient à un moment donné à changer d'obsession. À vrai dire, l'inconvénient d'être né, c'est intéressant parce que on pourrait le situer très rapidement selon trois perspectives. La première, c'est un rapport d'écriture. Il tient des cahiers depuis 1957. Il ne sait pas quoi en faire. Il aimerait que ces cahiers, qui sont des sortes d'ateliers d'écriture et des pensées pour soi-même, il aimerait en faire quelque chose, mais il n'y arrive pas. Et qu'est-ce que c'est que l'inconvénient d'être né ? C'est d'abord une moisson à partir de ces cahiers. Donc, c'est une relecture de toutes ces pensées personnelles. Mmh. Et puis, c'est intéressant parce que dans un deuxième temps, de cette moisson surgit une évidence, une ombre portée. Une anamorphose peut-être. Vous vous tournez et vous voyez une image cachée en vous que vous n'aviez pas repérée. Il va changer d'obsession. Juste avant l'inconvénient d'être né, il avait été obsédé notamment par le suicide et par la mort, au sens personnel du terme. Et 5 ans avant la sortie de ce livre, il se dit qu'il vient de changer d'obsession. Il vient de comprendre, enfin, non pas quelque chose qui va pouvoir le délivrer. En fait, il change d'obsession, parce qu'en fait, il comprend qu'il avait été animé par quelque chose d'encore plus fort, malgré lui, à son insu, et dont il ne cessera de mettre en lumière ce phénomène, naître, la naissance. Tout a commencé par cette naissance, tous ses problèmes ont commencé par cette naissance. Et il décide alors de conjurer cette obsession par l'écriture de cet ouvrage. Et il faut, donc je le rappelle, hein, ce livre s'inscrit dans un processus d'écriture qui l'accompagne depuis très longtemps, peut-être pour mieux comprendre la portée de ce texte et les textes que nous allons entendre ensemble, qui sont vraiment magnifiques. Faut-il présenter le personnage, parce que c'est un personnage qu'est Suran. J'ai dit qu'il était né en Roumanie en 1911. Une manière de le présenter, c'est de remonter à l'âge de ses 20 ans, où il apprend quelque chose, sa mère lui dit quelque chose. Écoutez, c'est lui qui le raconte. J'avais 20 ans. Et un jour, ça c'est aussi c'est un grand moment de ma vie, mon père étant prêtre, n'est-ce pas, ma mère n'était pas croyante, curieusement, à cause de ça. Et elle était beaucoup plus indépendante d'esprit que mon père. Mais je me rappelle, ça c'est un événement qui s'est passé pour moi, c'est extraordinairement important. Il était 2h de l'après-midi, ça, je m'en souviens parfaitement. Et en présence de ma mère, je me jetais sur un canapé, je dis, je n'en peux plus. Et ensuite, ma mère m'a dit, si j'avais su, je me serais fait avorter. Et ça m'a fait une impression extraordinaire, mais pas négative. Au lieu de me révolter ou de comme ça, j'ai eu une sorte de sourire, je me rappelle. Et ça a été aussi une sorte de révélation. Donc, je suis le fruit d'un hasard, c'est aucune nécessité. Et ça a été, d'une certaine façon, une sorte de libération. Comment le fait d'apprendre que sa mère a failli avorter ou qu'elle souhaiterait aujourd'hui avoir avorté lorsqu'elle voit son fils qui lui-même n'en peut plus, a l'effet non pas d'un poids sur ses épaules, mais d'une libération. Rappelons qu'à ce moment-là, Suran s'apprête à aller étudier la philosophie, il a déjà commencé d'ailleurs, et il est en proie à une sorte de mal-être, il ne sait pas pourquoi. Et cette nouvelle, qui paraît atroce, va avoir un effet déterminant sur le reste de sa vie. Précisément, il n'y avait aucune nécessité à ce que ça le soit ainsi. Et donc, lui qui a une conception un peu fataliste des choses, de la vie et de l'existence, comprend qu'en réalité, tout cela ne tient à rien. Tout cela est absurde. Et ça le libère parce qu'en fait, ce poids qui pèse sur lui, il comprend qu'en fait, c'est gratuit, c'est inutile. C'est-à-dire que ça réintroduit du hasard, c'est ça ? Oui. Et ça a un sens parce que un des contextes de l'inconvénient d'être né, c'est aussi dans un moment psychologique particulier. Sa mère est décédée quelques années auparavant, et en 66. Et donc, son père était décédé en 57, et donc lui-même semble cheminer avec une mort, y compris avec les gens, son père et sa mère, qui lui ont donné cette naissance, mmh. qui lui ont donné cet advenu à l'existence. Alors, il est très marqué, là il en parle de façon ironique et caustique, comme il sait le faire, mais en réalité c'est aussi des drames personnels, humains, il était profondément attaché à sa mère, et il comprend que s'il n'y a pas de nécessité, on peut avoir un détachement avec le poids de l'existence, devient tout à coup plus léger, simplement parce que ça aurait pu être autrement. Il aurait pu ne pas naître, c'est ça qui lui fait du bien. Oui, parce qu'en fait, il comprend à quel point les choses auraient pu être autrement. Il comprend qu'en fait, trop s'attacher à son existence, et en fait, de cet angle de vue, il peut proposer un détachement et de se dire tout cela est un peu secondaire, ça aurait pu être autrement, il n'y avait pas de nécessité. Et il peut avoir non seulement du recul critique, puis un recul ironique, il peut se rire de lui-même, il peut se détacher en se disant « mais cette naissance, cette existence ainsi, il y a accordé de l'importance de son petit moi, de son petit je ». Il comprend qu'en réalité, il n'y avait aucune nécessité à tout cela, ça aurait pu être autrement. Et donc ça le libère, parce qu'en fait, il comprend à quel point... lui qui avait des scrupules, qui allait mal, qui va voir sa famille, qui revient, etc., comprend qu'en réalité, finalement, il n'est pas en cause en tant que lui-même. Quelque chose d'autre, la naissance, qui aurait pu ne pas survenir, est la cause de tous ces maux. Ça, c'est pour la dimension philosophique du personnage. Je l'ai présenté comme philosophe roumain et on va continuer à explorer cette dimension. Mais arrêtons-nous un instant sur le terme de roumain. Justement, pour lui, c'est très important ce lien avec la Roumanie, pays dont il va estimer ensuite qu'elle n'a pas connu la grandeur des autres pays, la France notamment, où il va aller vivre. Et ça introduit un rapport ambivalent. D'abord, il loue la Roumanie. Au début, il y a des textes très forts nationalistes roumains qui vont le conduire. Alors ça, vous allez nous dire ce qu'il en est vraiment, parce que c'est une des choses qu'on retient de ce rang, à une certaine affection pour le mouvement nazi, l'avènement même du nazisme, et il en reviendra ensuite et il se sentira plus proche de la France. Qu'en est-il vraiment de ce lien à la Roumanie et à ces mouvements nazis, Aurélien de Mars ? En fait, au départ, il n'a pas de mouvement très attaché au nationalisme. Il écrit ses premiers textes, notamment son premier texte sur les cimes du désespoir. Donc, c'est un texte existentiel. Il a 22 ans. Il n'a pas d'amitié particulière. C'est en 1933 jusqu'en 1935, un peu avant de partir 2 ans en tant qu'étudiant à Berlin. Il aura l'occasion, petit à petit, même un petit peu avant de partir, sous l'égide d'un professeur charismatique, il va peu à peu s'affilier, ou en tout cas s'associer avec sympathie et amitié sincère, avec des gens qui sont membres de ce mouvement politique nationaliste qui s'appelle la Guerre de Fer. Ouais. Et ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un militant, il ne se fait pas élire, il ne se présente pas à des élections. Néanmoins, c'est une amitié qui est sincère. Et qui en trouve des textes de lui, oui. Hein, qui expliquent son attachement à la guerre de Fer. Évidemment, il est féroce, hystérique et violent. Et dans cet extrémisme politique, il y voit quelque chose en résonance avec ses idées emportées de jeunesse. Dans un deuxième temps, ça va être intéressant. Dès ces textes où il envoie des articles à des revues nationalistes en Roumanie, où il est un peu correspondant de ce qui se passe en Allemagne, il a une fascination presque esthétique sur ce mouvement nationaliste, le nazisme. Il a une amitié avec un mouvement d'extrême droite, la Guerre de Fer. Et lui-même avant même de repartir, on est en 35, écrit un article où il se dit mais c'est quand même une hystérie, on ne pense plus par soi-même. Et il parle de se mettre au bouddhisme, parce que le bouddhisme, c'est quand même de se mettre en retrait. Alors c'est très intéressant, parce que déjà, il comprend la folie qui était la sienne. Et donc, il a déjà un mouvement, je dirais, de recul. Et puis, très vite... Donc il achève ses 2 ans de formation en Allemagne, il repart en Roumanie. Formation philosophique ? Oui, en fait il était parti avec une bourse de la fondation Humboldt à Berlin. Et donc c'était dans le cadre d'un échange universitaire qu'il est parti là-bas. Et à la suite, il avait fait ses études de philosophie en Roumanie. Il les poursuit en Allemagne pendant 2 ans. On dirait aujourd'hui un échange Erasmus, ouais. Ce genre de choses. Et il revient en Roumanie, a déjà en fait... changer, si je puis dire, d'optique. Il écrit ce livre virulent, une manière d'expurger sans doute sa passion précédente, La Transfiguration de la Roumanie, qui est le livre qui contient des passages nationalistes très durs, ouais. Ses emballements. Et sans doute qu'il le publie justement pour s'en défaire, s'y soustraire. Et il n'aura de cesse ensuite... de se le reprocher, il n'aura de cesse de réfléchir au fanatisme, à la généalogie du fanatisme, parce qu'il l'aura vécu de l'intérieur. Les épreuves de ces penseurs qui peuvent errer, qui peuvent s'emballer, ces erreurs, il les a vécues, et c'est en connaissance de cause qu'il voudra justement désormais y voir un danger absolu. Il voudra le critiquer parce qu'il voudra le voir de façon systématique ensuite. Pas d'engagement, refuser de prendre part à l'histoire, à la politique, etc. Et c'est tellement vrai que pendant l'occupation, donc pendant les années 40, il a fait encore un dernier voyage en Roumanie, parce que c'est un ressortissant et pour des raisons militaires. Il fait un dernier discours, c'est son tout dernier discours nationaliste, mais sans doute que c'était pour essayer de faire plaisir aux autorités, essayer de repartir. Il y arrive, il peut repartir en France. Il est parti avec une délégation culturelle, il est au secrétariat à Vichy, il y a UNESCO, etc. Des intellectuels essayent de se sauver parce que c'est la guerre, ils n'ont pas envie de partir sur le front. Et puis... quelques mois après, même il se sauve à Paris, il quitte même ses fonctions officielles qui étaient juste un prétexte. Et il aura pour grand ami Benjamin Fondane, juif, dénoncé par ses concierges, rue Rollin. Il y a un très beau texte de Suran qui s'appelle 6 rue Rollin, où il vous dit que il ne passe jamais dans cette rue sans avoir une palpitation particulière. Son ami dénoncé pour son judaïsme a été emprisonné à la préfecture de police. Et Suran va se battre quand c'est vraiment un choix, pas quand c'est une position un peu d'élégance ou de posture. Cette fois-ci, quand il s'agit de sauver un ami, il fera tout et il fera partie avec un autre ami roumain, Loupachko. Il fait partie de ces deux personnes qui vont donc obtenir sa libération. Mais il avait été raflé avec sa sœur, le pauvre Benjamin Fondane, poète et philosophe, refuse de partir sans sa sœur. Part à Drancy, fera partie de l'avant-dernier convoi à Auschwitz, mourra à Auschwitz, tristement. Et Suran n'aura de cesse d'ailleurs de se rappeler à sa mémoire. Il permettra notamment que le dernier livre inachevé de Fondane, il va recueillir les textes. C'est un texte sur Baudelaire. Et il va l'aider, ce livre, à sortir. Et plusieurs fois, il aura l'occasion, dans des entretiens notamment, de rappeler la mémoire de Fondane. Mmh. Donc, on a les deux, si je puis dire, et on comprend sa sincérité du moment. Dans les années 30, pendant 2 ans, il a été auprès de ce mouvement nationaliste, il a eu des amitiés sincères. Et d'un autre côté, le fait de pouvoir l'avoir vécu, en tout cas dans sa chair, d'avoir compris le poids de l'histoire, d'avoir compris aussi ce que ça pouvait avoir comme caractère mortifère, et puis une désillusion totale sur tout mouvement politique. Oui, et même plus largement, ça correspond aussi au moment où il décide de prendre ses distances avec la politique, avec son passé et avec la philosophie. Il va se mettre à faire du vélo, il dit qu'il va visiter la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, qu'il va faire des centaines de kilomètres à vélo. Il dit ces centaines de kilomètres par jour que je faisais m'ont permis de surmonter les crises que je faisais. Et de retour à Paris, son directeur de recherche lui confirme ce dont il était lui-même déjà persuadé. Il vaut mieux faire la France à bicyclette qu'une thèse de doctorat. Et là naît le Suran tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est même pire que cela, parce qu'en fait, il était censé faire des rapports sur sa thèse. Il est parti avec un prétexte. pour faire une thèse sur Bergson, si je puis dire, relue et corrigée par Maître Eckhart et Plotin. Mm-hmm. Il n'a jamais voulu faire cette thèse. Il voulait juste partir de cette Roumanie qui devient folle et politique d'ailleurs. Il a déjà changé d'optique, il a déjà une désillusion, il veut juste partir de cette Roumanie politisée et hystérique où on faisait dissurant de la politique à coups de revolver. C'est une sorte de mini-guerre civile entre différents mouvements politiques. Et lui propose de faire une pseudo-thèse juste pour partir. Il part à Paris. Il commence à devoir rendre des travaux une fois par an. Il faut rendre un petit travail pour dire où est-ce qu'il en est de cette thèse. Donc il invente n'importe quoi, essaye d'obtenir des lettres pour avoir encore une bourse pour essayer de vivre sur place. Et en fait, il se trouve que son directeur a une passion pour le vélo, ça tombait bien. Et donc il s'est dit, au moins celui-ci, il parlera bien français. Quand on voit d'ailleurs la qualité de l'écriture de Suran, quand on voit la pointe de ses formules lapidaires, de ses aphorismes, Suran, c'est pas un philosophe au sens du professeur de philosophie qu'il n'a jamais voulu être. Oui. C'est l'écrivain, c'est l'essayiste, c'est, comme il aimait parfois le rappeler, le penseur privé. Ses lectures de prédilection, c'est plutôt Kierkegaard qui disait de lui un private denker, un penseur privé. C'est plutôt Nietzsche, c'est plutôt Schopenhauer, ou alors les philosophes de l'Antiquité qui avaient une pratique, qui vivaient leur pensée et qui pensaient leur vie en même temps, qui ne se contentaient pas de se cacher ou de se réfugier par un travail trop conceptuel, par des catégories abstraites. Et donc, c'est le propre d'une pensée existentielle. Penser sa vie et vivre sa pensée a toujours été au cœur de son écriture et de son œuvre. Et Suran, s'il parcourt le monde à bicyclette, l'Europe à bicyclette, la France en particulier, c'est aussi parce que c'est presque comme une pérégrination. C'est l'idée qu'on doit penser en acte dans cette vie, ici et maintenant, et que toute pensée qui ne serait pas vécue, toute pensée qui n'aurait pas une épaisseur existentielle ne peut pas compter. Ce n'est que de l'abstraction et ça n'a pas de résonance pour lui. Trois heures du matin. Je perçois cette seconde et puis cette autre. Je fais le bilan de chaque minute. Pourquoi tout cela? Parce que je suis né. C'est d'un type spécial de veille que dérive la mise en cause de la naissance. Nous ne courons pas vers la mort. Nous fuyons la catastrophe de la naissance. Nous nous démenons, rescapés qui essaient de l'oublier. La peur de la mort n'est que la projection dans l'avenir d'une peur qui remonte à notre premier instant. Il nous répugne, c'est certain, de traiter la naissance de fléau. Ne nous a-t-on pas inculqué quel était le souverain bien, que le pire se situait à la fin et non au début de notre carrière? Le mal, le vrai mal, est pourtant derrière, non devant nous. S'il est vrai que par la mort on redevienne ce qu'on était avant d'être, n'aurait-il pas mieux valu s'en tenir à la pure possibilité et n'en point bouger? À quoi bon ce crochet quand on pouvait demeurer pour toujours dans une plénitude irréalisée? La mort n'est pas tout à fait inutile. C'est quand même grâce à elle qu'il nous sera donné peut-être de recouvrer l'espace d'avant la naissance, notre seul espace. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle d'Émile Cioran cette semaine, le philosophe roumain Émile Cioran, aujourd'hui premier temps en compagnie du philosophe Aurélien Demars. Vous venez d'entendre quelques lectures d'aphorismes qu'on trouve dans le livre de Cioran de 1973 de L'inconvénient d'être né, une lecture proposée par Denis Podalydès. On va rentrer dans le cœur du sujet Aurélien Demars parce que l'inconvénient d'être né, il faut le prendre au sérieux et voir de quel type de non-être on parle. Le non-être qui précède l'existence n'est sans doute pas le même que le non-être qui va succéder à la mort, hein, justement. C'est ça qu'il faut qu'on définisse. Mais avant cela, un mot sur le mot d'inconvénient. On trouve sous la plume de Suran ceci, inconvénient. un des mots que j'affectionne le plus. Et il est bien vrai que je ne vois que le côté négatif des choses, pas tant négatif d'ailleurs que douloureux, un crucifié sans foi, un calvaire païen. Voilà l'intérêt de ce mot d'inconvénient qui, quand on l'écoute comme ça dans le titre de l'inconvénient d'être né, paraît presque comme une litote. C'est comme de l'humour un peu anglais ici. En fait, chez Suran, il y a vraiment cette passion du terme inconvénient. On trouve d'autres textes, par exemple, avantages et inconvénients de l'exil, pour ou contre l'histoire. Il aime voir comparer ces deux aspects et évidemment c'est plutôt les inconvénients qui vont primer. Il montre à quel point dans ces inconvénients, en réalité, nous illusionnons, nous n'en retenons que les avantages, nous ne mesurons pas que ces avantages se retournent contre nous. L'histoire se retourne contre nous, les hommes pensent faire l'histoire, mais l'histoire défait ce que les hommes tentent de faire. Et de la même manière, à son échelle individuelle, l'individu peut croire, le sujet peut croire qu'il fait son existence, mais depuis sa naissance, ce qui pèse sur la naissance, depuis que cette naissance a lancé cette existence, vous avez du déterminisme, vous avez des conditions, et finalement, cette naissance se retourne contre le sujet. Et donc, l'idée même de réfléchir sur l'inconvénient, c'est bien de mesurer en fait ce qui démarre tout de suite, ce qui cause, ce qui est source du mal de naître. Oui, mais justement, il dit pas drame, tragédie, dit inconvénient. En fait, c'est parce que cet inconvénient, c'est bien... C'est comme un inconvénient, c'est bon, on aurait souhaité qu'il en soit autrement, c'est un petit problème, un inconvénient. C'est pour ça qu'il y a presque un effet humoristique. Oui, et d'ailleurs, en fait, c'est notamment même pour l'histoire dont ce que j'évoquais tout à l'heure, il parle de c'est l'ironie de l'histoire de se retourner contre ceux qui pensaient être les grands moteurs de l'histoire. Ouais. Et donc, de la même manière, il y a une ironie forte dans ce mouvement de finalement tout ce que l'on fait va se retourner contre nous, notre existence qui nous a fait va se retourner aussi contre nous, etc. Et donc l'idée de ce mouvement de balancier, nous ne croyons voir dans la naissance qu'un heureux événement. Suran se passionne, par exemple, il évoque les Thraces, ce peuple de l'Antiquité, où on pleure à la naissance d'un enfant. Ça ne va pas de soi. Pourquoi s'extasier forcément? Mais c'est un individu qui aura des souffrances, qui aura des malheurs. Et donc, il voit dans tout enfant, il y a même beaucoup de passages ironiques, Suran voit dans tout enfant un futur Richard III, dit-il. On a même, de façon générale, sur les nourrissons, on a beaucoup d'anecdotes. Dans les cahiers, sa compagne, Simone Bouy, qui a édité les cahiers après sa mort, était sans doute un peu heurtée. Elle a enlevé beaucoup d'éléments parce que c'est vraiment parfois très cynique, très drôle, mais tout le monde ne partage pas son humour caustique. Et par exemple, je pense à une anecdote parmi tant d'autres. Un enfant sur une plage de marché à Dieppe. Un enfant de 5 ans, tout au plus, nous dit Suran, hurle, se bat, se convulse, vitupère, etc. Quel scandale. Et Suran entend la mère du petit garçon un peu turbulent, le supplier son garçon, « Viens mon trésor, dit-il, mon trésor, on songe avec quelle délectation, on songe aux paroles de Calvin, les petites ordures. » Calvin écrivait un texte sur des sermons sur Job, où il traite les enfants de petites ordures. Et il pense aussi, non seulement à Calvin, mais à Freud, le pervers polymorphe. C'est ainsi que Freud définit les enfants. Ouais. Et Suran d'ajouter, on imagine, en pastichant avec encore beaucoup d'ironie, laissez venir à moi les petits monstres. C'est un pastiche de l'évangile de Marc. C'est l'idée à quel point on s'extasie comme ça sur les enfants. On pense que tout est beau, tout est enchanté, naïvement. On oublie que les enfants peuvent être cruels, on oublie que la naissance, peut-être que ça va pas de soi, et peut-être que des questions de conditions de vie pourront se poser. Et donc, c'est le refus de toute naïveté, oui. C'est l'idée avec ironie. Ironie ou cynisme ? Oh, les deux en réalité, mais l'ironie par rapport au cynisme, ça va de pair. Diogène, qui est une figure emblématique pour Suran, fait justement plus que de l'ironie, de la dérision, peut-être que Socrate faisait de l'ironie, Diogène c'est même se moquer, et Suran aime se moquer de façon assassine. Plus c'est assassin, plus il jubile de pouvoir le dire et le montrer. Donc c'est parler d'inconvénient d'être né, c'est effectivement le dire avec le recul, le détachement de celui qui se gausse en fait de ces inconvénients qu'on ne prend pas tout à fait en compte, et dans le fait de s'extasier devant le moindre nourrisson. Suran, il voit au contraire tous les aspects, tout le revers plutôt sombre. Donc il y a une part de cynisme zélé, et où Suran va donner des propos acides et amers. Et puis il y a aussi ces propos plus ironiques, où il se moque en fait avec une certaine légèreté, oui. Parce qu'en fait il s'agit pas quand il voit un tel ou un tel de faire de la peine ou de froisser, mais lui en tire une leçon, en tout cas une leçon où il peut se rire et il peut se moquer. Mais il le dit dans mon esprit, ces aphorismes n'ont qu'une fonction, aider au réveil spirituel, secouer les endormis et provoquer un déséquilibre salutaire. De quel type de nature est ce déséquilibre, justement? Prenons cette affirmation au sérieux, qu'il aurait mieux valu sans doute ne pas naître, et distinguons les différents types de non-être, Aurélien de Mars. Car je le disais tout à l'heure, le non-être qui précède la naissance n'est pas le non-être qui est celui de la mort, par exemple. Suran se pose cette question. Cette question, elle est à l'aune de bien des penseurs. Sénèque se pose la question, par exemple, c'est dans la lettre 54 des lettres à Lucilius, il se dit, il est malade, et il se dit, mais c'est pas si grave si je dois mourir, et puis de toute façon, je retrouverai avec la mort le néant d'avant ma naissance. Schopenhauer s'est posé la question de savoir si le non-être de la naissance était le même que le non-être de la mort. Et il pense, par des lectures bouddhistes, il pense qu'en fait c'est justement le même et que l'existence n'est qu'une interruption provisoire. Et donc il ne faut pas avoir peur de la mort, puisque on se pose pas la question d'avoir peur du néant d'avant la naissance. Suran apporte une nuance. Suran souligne un point, c'est que justement cette existence, elle change la donne. Et donc, en réalité, le non-être d'avant la naissance, c'est plus tout à fait celui d'après la mort. Pourquoi ? Alors, il s'agit toujours de non-être, mais précisément celui qui précède la naissance, qui pousse la naissance vers cette mort. Une des définitions de la vie, c'est non pas l'ensemble des fonctions qui nous fait résister à la mort, mais c'est l'ensemble des fonctions qui nous y entraînent. Et donc ça commence avec la naissance. C'est au sens presque organique du terme. Après tout, une naissance, c'est aussi une dimension biologique, bien évidemment. Et ce non-être fait aussi la corruption, la vieillesse, l'usure, l'entropie, etc. Donc ce non-être actif, ce néant actif, commence avec la naissance et se prolonge dans l'existence. Et l'ensemble des aspects qu'on pourrait évoquer comme étant l'usure fondamentale de l'être, des choses, des existants, du monde. L'idée que notre finitude, notre mortalité commence avec cette naissance, eh bien, c'est une manière de nous dire que l'homme, c'est pas l'être pour la mort. L'homme, comme le disait Heidegger, l'homme, c'est celui qui, par sa naissance, est condamné. Et en fait, l'idée même de cet advenu à l'existence, cet advenu à partir du non-être, à partir de rien, ce qui montre un deuxième aspect. Il y a le non-être avant la naissance. Il y a pendant l'existence l'idée que nous sommes des néants en action, si je puis dire. Nous conservons quelque chose de cette nature-là. Et c'est tellement vrai qu'en fait, on pourrait se dire que tout homme est une sorte d'homme de néant, puisqu'on en est les fruits et qu'on est advenu à l'existence alors qu'on n'était rien, on est advenu. Et c'est même l'idée que finalement, tout ce qui est de l'ordre de l'existence, tout ce qui est en ce bas monde, tout ce qui est dans le monde, ce n'est qu'un rien, ce n'est qu'un vide. Il y a une illusion à croire à une substance, etc. De croire en une réalité qui sera là pour toujours. Nous faisons comme si nous n'allions pas mourir. Nous avons des projets, nous nous levons tous les matins, nous écrivons des livres. Suran ne s'exclut pas lui-même. Ouais. Mais en fait, en réalité, nous accordons du prix à quelque chose qui n'est que transitoire. Nous ne faisons que passer. Et ce passage, en fait, entre le non-être d'avant la naissance et le néant d'après la mort, en fait, ce passage, il change tout, parce qu'entre-temps, ça signifie une existence remplie d'épreuves, peut-être de douleurs, de confrontations avec un certain nombre d'aspects négatifs dans l'existence. Et donc, l'idée que l'existence, elle n'est que l'extension, finalement, d'un non-être qui prend des formes comme de rien, de néantité, de nihilité, dit parfois Suran. Cette idée qu'en fait, tout ce que nous voyons, tout ce en quoi nous croyons, toutes nos valeurs, par illusion, nous essayons de les fortifier comme quelque chose de durable, d'appréciable, d'éternel. Nous essayons d'exister plus que ce que nous pouvons. Mmh. Et pour Suran, c'est une illusion. Oui. Ce qui n'exclut pas chez lui, oserais-je le terme, un certain goût pour l'existence. En tout cas, vous l'avez dit, il écrit, il reste en vie. Il n'est pas obligé de rester en vie d'ailleurs. Lui-même explore cette possibilité du suicide, qui est quelque chose de très bienfaisant pour lui, l'idée même de suicide. Et il invite à la réflexion. Ce que je veux dire, c'est que le constat que vous faites là, enfin que fait Suran, que vous rapportez aujourd'hui à quelque chose d'absolument désespérant, au sens vraiment premier du terme, de désespoir. Et pourtant, il n'exclut pas le fait, voire même l'envie de rester en vie. Comment est-ce que vous expliquez ça? Précisément parce que la mise en cause de la naissance lui permet en fait de relativiser dans l'inconvénient d'être né, on en trouve des passages, être ou non être, vivre ou mourir, mais tout ça devient très relatif. Et tous vos malheurs quotidiens, il peut y en avoir beaucoup, tous vos désillusions jour après jour, en fait, vous en avez un certain détachement si vous avez cet angle de vue où la naissance est un mal, il y a un mal de naître. C'est pas un mal de mourir, parce qu'une fois que nous sommes ici, c'est trop tard, nous allons mourir, nous le savons. Mais où nous nous le cachons, où nous voulons faire comme si on voudrait ne jamais mourir, Suran comprend qu'en fait, à remettre en question ainsi la naissance, évidemment, vous avez au moins le plaisir d'avoir la désillusion. Ça peut être jubilatoire que de se détacher, que d'être clairvoyant, que d'avoir une vision lucide sur les choses. Deuxièmement, c'est aussi une manière de se dire, mais voilà, cette remise en cause de la naissance nous permet de mieux apprécier cette fois-ci de façon pleine les choses vraiment pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, on en comprend la dimension provisoire, précaire. Il y a une précarité fondamentale de l'être humain. Et dans cette précarité, dans ce monde où tout est transitoire, eh bien peut-être que des instants décisifs, des instants par exemple prodigieux comme des extases musicales, si importants pour Suran. L'idée même que d'ailleurs on puisse avoir tellement d'illusions à se désillusionner pour en rire, pour s'en moquer, est une source de joie. Heureusement qu'il y a beaucoup de choses négatives pour en rire et s'en moquer. On pourrait même croire que Suran en a presque besoin. Il ne souhaite pas en réalité quitter ce monde-là parce qu'il se priverait alors du plaisir d'en rire, de s'en moquer, de s'en désillusionner. Et donc, le dialogue qu'il peut avoir entre être et non-être, lui-même le dit, ni l'un ni l'autre. On voit bien à quel point cette naissance remise en question lui permet en fait d'échapper ou de conjurer une peur qui est la sienne, qu'il vit organiquement. Lui aussi a eu peur de mourir. Et l'idée du suicide qui était si importante, c'est parce que grâce au suicide, qui est toujours possible, il peut se dire que alors c'est pas si grave. Alors cette idée du suicide l'aide à passer parfois plus d'une mauvaise nuit. Et au contraire, c'est parce que il a toujours pu avoir cette option là qu'il ne s'est jamais suicidé. Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me serais sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours, toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter ma vie. L'impression d'être coincé ici, bas, n'est-ce pas, c'est pas quoi. Pour moi, l'idée de suicide, toujours liée à l'idée de liberté. N'est-ce pas, c'est... Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi. Et je dois dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée de suicide est une idée positive. C'est une idée stimulante. C'est pas une fuite du tout, c'est l'idée, je parle de l'idée, n'est-ce pas? C'est l'obsession du suicide, je parle pas du suicide, c'est la pensée du suicide. L'important, c'est d'avoir cette idée. Et le christianisme porte l'immense responsabilité d'avoir discrédité cette idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Et j'ai tiré un certain profit, je dois dire, de cette passion pour le suicide. Puisque c'est grâce à cette idée que j'ai pu atteindre cet âge. Jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. J'en suis absolument persuadé. Donc, c'est une idée positive. Mauvaise nuit. J'ai essayé de réfléchir à des sujets sérieux et n'y suis pas parvenu. Il n'empêche que, dès l'arrêt du sommeil, j'ai compris que j'étais conscient, que je venais de sortir d'un état de plénitude et de néant. Car le sommeil n'est rien d'autre que cette contradiction. On est arraché du sommeil, on en est banni. La conscience est en exil. L'inconscience seule est une patrie. On accepte sans trop de frayeur l'idée de sommeil éternel. En revanche, un réveil éternel est intolérable, tant en pensée qu'en fait, il vous donne le frisson. N'être jamais né. Imaginez la vie d'avant la naissance comme un sommeil sans commencement, remontant en tout cas à quelque origine inimaginablement lointaine, un sommeil infini dont on est fâché que l'on ait été arraché. La nostalgie de cette infinité d'avant n'est que le regret de voir interrompu un état où l'on pressentait la conscience sans la désirer, où la non-manifestation était une volupté, troublée malheureusement par l'immanence de l'être. Pour moi, le désir du non-né se ramène à un appétit de non-manifestation. J'ai horreur du manifesté. Je voudrais m'évanouir dans le non-manifesté. M'y évanouir ? Non. Le rejoindre, car j'en dérive. L'idolâtrie du virtuel, l'amour presque maladif de ce qui échappe à l'actualisation, le fétichisme de ce qui précède tout acte. Ce qui peut choquer chez Sioran, ce qui peut et qui vise à provoquer, perturber, gêner, est aussi ce qui peut soulager au fond, car Sioran a cette vertu, je crois, de nommer les choses dont d'habitude nous ne parlons pas ou que nous ne voulons pas voir en face. Lorsqu'il dit, dans l'archive que vous avez entendue juste avant, qui date de 1973, donc contemporaine de la publication de L'inconvénient d'être né, que cette phrase est incroyable. Sans l'idée de suicide, je me serais sûrement tué. Il faut le prendre au sérieux. On dirait une phrase de Woody Allen. Mais au fond, il faut distinguer ici ce qu'il entend par suicide et idée de suicide. C'est la possibilité, non seulement qu'il aurait pu ne pas naître, et là il peut faire référence à l'avortement évoqué par sa mère, mais aussi qu'il ne soit plus en vie, qui lui permet de tenir bon. Et c'est ce qu'on entend dans le texte que vous avez entendu ensuite, hein, sur cette plénitude du néant au fond. Le fait d'être rassuré par la contingence même de l'existence, qui est souvent pourtant ce qui nous pose problème, Aurélien de Mars. Sioran lui-même disait que ne se suicident que les optimistes, qui ne peuvent plus l'être. Celui qui a fondé toute sa vie sur des illusions, qui, pris au dépourvu, au moment où il fait cette désillusion, ne pourra peut-être plus accepter cette existence telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été, telle qu'il avait refusé de la voir. Au contraire, essayer de voir les choses de l'existence et sa propre existence sous un angle d'une lucidité noire permet de savoir tous les instants qu'on peut gagner, vivre avec intensité. On peut trouver des occasions de désespoir comme quelque chose qui n'appartient qu'à soi de s'en priver si jamais c'est trop insupportable. Et grâce à cette lucidité, évidemment, le suicide, seule l'idée du suicide, effectivement, ouais, a une vertu positive. Ce n'est que l'idée. Il ne cessera d'ailleurs d'avoir une écriture thérapeutique, conjurer toutes ses obsessions, y compris celle-ci, seule l'idée, ce n'est que l'idée. Et lui-même a eu souvent des personnes, des amis ou des inconnus qui sont venus le solliciter en mal d'existence, tourmentés, qui sont allés le trouver pour ses capacités, son aptitude revigorante à détruire toutes les illusions, à s'en moquer. Et paradoxalement, effectivement, c'est l'idée du suicide qui est une de ses plus grandes raisons de continuer à exister. Alors, les gens allaient le voir pour être revigorés. C'est pas le cas de toutes les personnes. Et je fais référence notamment au livre de Vanessa Springora, hein, Le Consentement, qui raconte, alors qu'elle décrit dans ce livre l'emprise dans laquelle elle était de l'écrivain Gabriel Matzneff, qu'elle est allée voir celui qu'il présentait comme son mentor, qui n'est autre qu'Émile Cioran. Et elle le décrit, hein, qui l'accueille et qui lui dit, mais au fond, c'est un artiste, c'est un très grand écrivain. Vous l'aimez, vous devez accepter sa personnalité. Il ne changera jamais. C'est un immense honneur qu'il vous a fait en vous choisissant. Votre rôle est de l'accompagner sur le chemin de la création. Souvent, les femmes ne comprennent pas ce dont un artiste a besoin. Sacrificiel et oblatif, voilà le type d'amour qu'une femme d'artiste doit à celui qu'elle aime. Et là, Vanessa Springora dit qu'elle regarde la femme de Cioran qui est là, qui sert le thé, qui est tout à fait apprêtée. Et voilà, et sans doute l'appelle-t-elle. Ce témoignage a quelque chose de glaçant, évidemment, pour nous autres, mais en même temps qui à la fois confirme ce que vous dites et le contredit. C'est-à-dire qu'il le confirme, Cioran était du côté de la lucidité, il disait sans doute ce qu'était la vérité, on ne doute pas qu'ici il dise la vérité. D'un autre côté, c'est pas réconfortant, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, et d'ailleurs, elle n'a pas été réconfortée. On peut comprendre en fait la blessure d'une personne vouée au désespoir, qui commence à essayer d'avoir envie de se détacher de quelqu'un qui, pour le moins, est toxique pour elle, on peut le dire très simplement. Et effectivement, Cioran, bon, à l'époque, il doit avoir environ 76 ans. Et donc, il a une vision assez étrange. Tous ces gens qui viennent le voir, qui vont pas très bien, lui, il demande rien à personne. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le voir? Régulièrement. Alors, il en parle avec humour. Des gens, par exemple, qui viennent de Roumanie, il s'en plaint. Tous ses compatriotes qui viennent le voir comme si c'était une référence. Il est parfois quasiment inconnu en France. Et il a un défilé, dit-il, continuel d'inopportuns. Et il ne propose pas quelque chose pour autrui. Il essaye de supporter la vie comme il le peut pour lui-même. Il ne se propose pas comme un vieux sage qui serait source de bons conseils pour les uns et pour les autres. Alors qu'on le prend pour un gourou. Et bizarrement, plus il se met en retrait et plus on vient le voir. Et donc, ça le met d'ailleurs parfois mal à l'aise. Il ouvre toujours sa porte. Donc, toutes les personnes qui sont allées le voir, il a toujours ouvert sa porte. Et on peut comprendre d'ailleurs que les personnes qui viennent le voir, qui ont des problèmes personnels, intimes, ô combien pour Vanessa Springora, en fait, on peut se dire, mais très précisément, il a une désillusion de départ, si je puis dire. Il a ce rapport... Alors, en l'occurrence, elle attendait d'autres choses de sa part. En fait, elle attendait une écoute, il lui a apporté une écoute, mais elle attendait peut-être un soutien, le soutien que sa propre famille, manifestement, ne lui apportait pas, ou que son entourage immédiat ne lui apportait pas. Et donc, aller voir un inconnu, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle a juste entendu évoquer. Mais c'est ce que vous dites, elle l'associe à de la sagesse, elle se dit lui va pouvoir m'aider parce qu'il est sage et au fond, il ne peut pas jouer ce rôle-là. Et en fait, Cioran lui-même n'a jamais prétendu à la sagesse. Cioran lui-même, en fait, pense que d'ailleurs cette sagesse est impossible et il ne propose pas autre chose que cette tentative d'être lucide sur son sort, sur son existence, etc. Et donc, l'idée de ce que lui propose, des personnes, par exemple, suicidaires viennent le voir. Alors, on trouve des écrits où il dit, mais j'ai déjà du mal, moi aussi je suis préoccupé, qu'est-ce que cette personne vient me voir, etc. Et je dois lui déconseiller le suicide, je comprends bien, mais chacun se débrouille comme il peut, je ne prétends pas parler pour autrui. Et donc il a parfois des amis très proches, ou parfois des inconnus qui viennent le voir. Sa recette, je vous laisserai la méditer, il suggère de faire une promenade dans les cimetières, parce qu'il trouve que les cimetières, c'est très fleuri, et ça rend la mort beaucoup plus banale et moins tragique. Et donc, la plupart du temps, les personnes ne passeront pas à l'acte, et heureusement, et on est soucieux, et en fait, il est très affecté dans ses cahiers. On voit qu'en fait, il s'inquiète du coup beaucoup pour eux. C'est presque pour ça qu'il leur en veut, parce qu'en fait, il a des inquiétudes nouvelles. Déjà qu'il avait les siennes, il commence avec compassion, il commence à comprendre la souffrance d'un tel ou d'un tel, et il se pose cette question, et il a parfois des remords, notamment un jeune homme ou un homme d'un certain âge plutôt est sur le point de se suicider. Il lui téléphone, il est dérangé, Cioran ne veut pas lui parler, il est en train d'écrire, il rappelle, après il s'en veut, il se dit mais mince, peut-être qu'il est pas, il tombe sur sa femme, et sa femme lui explique qu'en fait elle n'ose pas le déranger parce qu'il est endormi. Donc manifestement, en fait, il était sur le point de commettre quelque chose. Cioran l'avait un petit peu rembarré, disons. Et en fait, cette personne s'était tournée vers lui, là encore, pour, pour on ne sait trop quoi. Et en fait, Cioran ne prétend pas faire office de thérapeute, de psychanalyste, de... Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on lui demande de jouer ce rôle. C'est que vous le dites, il passe sa vie à écrire des choses qui sont effrayantes, qui sont... Alors ce serait l'objet d'une autre émission, peut-être nihiliste, en tout cas qui ne véhicule pas un encouragement à vivre ni à aller mieux. Et pourtant, les gens vont le voir pour aller mieux. C'est un paradoxe incroyable. C'est l'effet de son œuvre et de son écriture. Ces personnes, parfois, peuvent se retrouver justement dans quelque chose qui peut être simplement... parlant, c'est notamment dans la sincérité en fait de ces textes. Et puis c'est l'idée aussi que justement à essayer de détruire la moindre illusion, à voir les choses telles qu'elles sont, c'est d'apprendre à les accepter, à composer avec, etc. Donc en fait, il n'a pas de recette miracle. Il ne croit pas d'ailleurs dans une sagesse quelconque qui pourrait permettre de supporter mieux la vie. La vie est difficile à supporter si on n'a plus d'illusions sur elle. Mais en contrepartie, tout ce que vous trouverez en gardant cette clairvoyance, tout ce que vous trouverez à faire, une extase musicale, donc des extases esthétiques, le plaisir de se rire des illusions de la vie ou autre, prennent une intensité nouvelle. Et quand on repense à l'inconvénient d'être né, en fait, il y a bien des occasions de faire des typologies chez lui, chez Cioran. Vous avez chez Cioran différentes catégories de non-être. Vous avez le non-être du jamais-né, du mort-né, de ne pas naître tout court, de la catastrophe de la naissance, etc. En fait, on peut se dire, mais le jamais-né, c'est l'idée de critiquer le caractère irréversible du temps. Maintenant que c'est ici, il faut essayer d'admettre cet aspect. Quand il parle du non-né, c'est l'idée de se dire, mais en fait, la non-manifestation qui a été lue tout à l'heure, c'est l'idée de se dire, mais toute manifestation est trop. Et lui-même en plaisante, en se disant, mais c'est déjà un crime d'indiscrétion que de se manifester, etc. Et donc, heureusement que vous avez cet aspect où vous pouvez vous rire de vous-même, c'est son moyen en fait de jouer avec lui et de proposer de l'écrire comme une manière justement de conjurer ces effets négatifs, ce poids de l'existence, et de s'en débarrasser par l'écriture. Que d'autres souhaitent s'en délecter, que d'autres souhaitent aller le trouver, montre le caractère effectivement revigorant de son écriture. Merci beaucoup Aurélien Demart d'être venu ce matin nous parler, nous présenter Cioran. La semaine continuera demain évidemment avec Nicolas Cavaillès. On mettra en ligne la bibliographie, un des ouvrages sur Cioran auxquels vous avez contribué, Aurélien Demart, si on se quitte avec une chanson, une variation autour d'une idée très cioranienne. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt. As it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on besoin de la littérature ? La littérature, c'est un mot qui peut effrayer, c'est un mot qui semble universitaire, qui renvoie à des livres peut-être difficiles à prendre en main, à ouvrir, à lire, comme s'ils étaient loin de nos vies. Et d'ailleurs, dans le dernier moment historique où la littérature a été au cœur de la culture, dans les années 60 à 80, il y avait cette idée un peu étrange que la littérature, c'était le langage qui se parlait de lui-même, qui se prenait pour une sorte de finalité autonome. C'était aussi ce que Sartre reprochait à une certaine littérature esthétisante qui prenait le langage comme un objet pur en soi sans s'adresser aux hommes dans nos vies. Dans son propre livre « Qu'est-ce que la littérature ?» en 1945, peut-être Sartre allait-il trop loin dans le sens inverse. Il faisait de la littérature avant tout un message politique, un outil de l'action, un outil de la liberté. La littérature semble prise d'un côté entre un art du langage pour lui-même, de la forme du langage, de la résonance du langage, par exemple dans le poème, ou bien à l'autre extrême d'un moyen de communication d'homme à homme, de la liberté à la liberté, comme justement dans la théorie de Jean-Paul Sartre. Mais la littérature, il faut s'en souvenir, c'est d'abord en effet un besoin vital, mais un besoin vital qui passe vitalement par le langage, d'ailleurs de manière inséparable de la philosophie elle-même. La littérature est un besoin aussi pour la philosophie. Pourquoi ? Quelle en est la raison profonde ? La raison est simple à dire. C'est parce que nos expériences, surtout nos expériences les plus importantes, les plus heureuses comme les plus malheureuses, nos expériences sont toujours aussi, en même temps, inséparablement, des expressions. Il n'y a pas d'expérience humaine profonde qui ne passe par une exclamation, par des mots. Nous nous exclamons, nous disons « Comme il fait beau aujourd'hui » ou au contraire « Quelle horreur ce qui se passe là devant nous » et ce désir d'exprimer. Il est aussi un désir d'exprimer de façon juste et précise, de façon vraie, ce que nous expérimentons, ce que nous vivons. Ce désir d'exprimer, c'est aussi un désir de transmettre et de transmettre par le langage le sens profond de l'expérience. Et du coup, nous avons cette expression qui sort de l'expérience, mais qui s'en détache et qui donne lieu à ce travail de l'expression pour elle-même que l'on trouve dans toutes les cultures, dans tous les grands récits qui sont de la littérature, puis dans l'art qui se détache de la culture collective, qui devient une expression individuelle, mais qui cherche toujours à dire la vérité d'une expérience. Et dans cette recherche de la vérité, la forme du langage, l'invention linguistique n'est pas seulement une contrainte ou un but en soi, c'est un moyen de transmettre cette vérité de l'expérience. Bien sûr, la grande littérature est tout à la fois dans la vérité de l'expérience immédiate, du bonheur ou du malheur humain, mais aussi dans l'invention d'une forme littéraire autonome, indépendante, qui fait date, qui fait style. C'est comme ça. Les grands écrivains sont à la fois des gens qui nous restituent le chagrin, par exemple, comme chez Proust, chez qui le chagrin est l'origine de la recherche du temps perdu, la souffrance individuelle, le deuil de la grand-mère, et pourtant aussi l'invention de la littérature, comme la vraie vie, de la recherche du temps perdu. Oui, la littérature, comme la philosophie, c'est la recherche par le langage, du sens de nos expériences. Ce n'est pas une coupure entre les deux, c'est au contraire la relation entre les deux. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda qui a réalisé cette semaine. À la lecture des textes, c'était Denis Podalides. À la prise de son, vous avez reconnu son doigté, c'était Jean Frédérics. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Sioran avec Nicolas Cavaillès. On commentera cette citation de Sioran, « La vie se crée dans le délire et se défait dans l'ennui », tout un programme. D'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant par exemple l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct ou en téléchargement en podcast. Rendez-vous également sur Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.